Serais-tu capable? Ouais. Bien plus que cette fois. Réponds-moi. Réponds-moi. 10 000 fois cette voix. Elle m'a dit, regarde comment je t'aime, bien sûr que t'es l'homme qu'il me faut. J'ai répondu, je veux pas d'une relation, c'est dû en morceaux. Noyé à la naissance, compliqué de se jeter à l'eau. Elle m'a dit, fais-moi confiance, baisse ta garde, je sais que t'as les épaules. Elle m'a dit, est-ce que tu m'aimes, Johan? Le silence est d'or, si mon cœur frappe, il répondra à ma place. Si tu me connais, tu sauras qui fait fondre cette glace. Elle m'a dit, t'es chelou, étrange personnage. Relié par la fréquence cardiaque, j'en ai perdu son âge. Je me suis vu à travers son âme, j'arrête les sondages. Elle m'a dit, je suis au clair, dans mon cœur et dans ma tête, j'observe. Observez longuement. Bien sûr je m'inquiète. Écoute ceux qui veulent plus tricher avec les sentiments que Dieu nous garde. Quand les tentations du feu font d'acharnement. Elle m'a dit à nous deux on ne fait qu'un. Tu m'impressionnes derrière tes grands airs de grand chirurgien. J'ai su te dire regarde comment je peux t'écrire. Comment ma plume transpire effrayé par l'amour. Pourtant je refuse de fuir. 10 000 fois cette voix. Serais-tu capable de me répéter que tu m'aimes? Et cela bien plus que cette fois. J'ai su te dire regarde comment je peux t'écrire. Comment ma plume transpire effrayé par l'amour. Pourtant je refuse de fuir. 10 000 fois cette voix. Serais-tu capable de me répéter que tu m'aimes, et cela bien plus que c'est. Elle m'a dit de ce navire, nous sommes les deux capitaines. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a dit toi, tu rigoles pas. Sourire, j'avais pas prévu que ça me tombe dessus. Elle m'a dit je suis sereine, on sera pas déçu. J'ai pris du temps à me regarder dans mon miroir, savoir qui je suis, où je vais, avec qui, visiblement c'est toi. Elle m'a dit que mon silence était atroce et glacé son toit. Que mon sourire était beau gosse et que j'étais son choix. Écoute, dans tous les cas de figure, je vise dans la droiture. Pour les gens que j'aime, je suis prêt à mourir, c'est sûr. J'ai abandonné ma vie de voyou, le cœur rempli de blessures. L'homme est solide comme un roc, soyons vrais, soyons purs. Elle m'a répondu, je me fous de l'argent, je m'en fous des gens. Je lui ai dit, confie-moi ton rêve le plus grand. On est d'accord sur le sens de la vie. Je rappe ce texte avec beaucoup de pudeur, un cœur vibrant écrit. J'ai su te dire, regarde comment je peux t'écrire. Comment ma plume transpire, effrayée par l'amour. Pourtant je refuse de fuir. 10 000 fois cette voix. Serais-tu capable de me répéter que tu m'aimes? Et cela bien plus que cette fois. J'ai su te dire, regarde comment je peux t'écrire. Comment ma plume transpire, effrayée par l'amour. Pourtant je refuse de fuir. 10 000 fois cette voix. Serais-tu capable de me répéter que tu m'aimes? Et cela bien plus que cette fois. Elle m'a dit, y'a pas de hasard, juste une évidence. Elle a fait couler mes larmes sur ses lignes intenses. J'ai avoué qu'elle était ma moitié, qu'auprès d'elle je me sens complet. Te souviens-tu ensemble, on a vu un ange passer? Elle m'a dit, c'est toi et pas un autre. Serais-tu prêt à donner un bout de toi pour l'amour des nôtres? Elle m'a dit, ton nom, je veux le porter. J'ai les épaules qu'il faut, t'inquiète, je peux te porter. Je te vois comme mon égal, je manie le verbe pour mon idéal. Parfois je suis dur quand tu m'associes à d'autres femmes. Dans ton regard, je me perds, t'as aucune rivale. Dès le premier regard, je le savais. Je t'ai vu, je t'ai reconnu, troublé, mon cœur s'est activé. Elle m'a dit tant de choses, aujourd'hui j'ai pris ma plus belle plume pour t'honorer. Écoute, dès que je t'ai vu, je savais. J'ai su te dire, regarde comment je peux t'écrire. Comment ma plume transpire, effrayée par l'amour. Pourtant je refuse de fuir. 10 000 fois cette voix. Serais-tu capable de me répéter que tu m'aimes? Et cela bien plus que cette fois. J'ai su te dire, regarde comment je peux t'écrire. Comment ma plume transpire, effrayée par l'amour. Pourtant je refuse de fuir. 10 000 fois cette voix. Serais-tu capable de me répéter que tu m'aimes? Et cela bien plus que cette fois.